Boca pour les petits et dans mon côté côté awana mokili à mon anamboka nao boka oyo kita koloma nampate ye moko yesu ye leboli monantambe akongenda hi sehon anamboka na boka oyo kito kolo yesama nampate ye moko yende ye lebolingo na zambe akongenga I pela kuna ko nankembo ekoza la pe nanzete na bomo kona ebale na bo homo ekotonesa mokam anamboka na boka oyo kito kolo yesoma nampate ye moko yende bolingo nanza ampe akongengali Namboka oyo kito kulo yesoma nampate ye moko yende bolingo nanza ampe akongengali Imanse manapa pasinyoso besata koko manalola isika ekanta manapo koko zwake mia etu anamboka na boka oyo kito kolo yesoma nampate ye moko yende bolingo nzambe akongenga isika anamboka na ka oyo kito kala zambe bwa nampate ye moko yende bolingo na zambe akonge na ipela tango ta lo yesu akoso bakoso nga kozala esengo boka oyo yakita ko ekozala libelam anamboka nga boka oyo kito wanampate ye moko yesu yende bulingo nanza ampe Dieu merveilleux, notre Père Céleste, nous nous approchons de toi au nom de Jésus-Christ pour te rendre hommage, te glorifier, te sanctifier, élever ton nom, t'adorer et te servir. Tu mérites tout cela. Toi de qui tout dépend. Nos propres vies dépendent de toi. Seigneur, tu es le secours. Tu ne manques jamais dans la détresse. Visite-nous encore ce soir et confirme-nous tes paroles. L'évangile surnaturel manifeste-t-on la puissance, car nous sommes ici pour ça. Tu n'es pas un Dieu incapable, mais tu es Jéhovah des miracles. Les jours des miracles ne sont pas passés. Les temps des miracles ne sont pas passés. Les temps des miracles sont encore ici, car Jésus-Christ est le même pour les jours. Et il vit éternellement. Dieu bien-aimé, prêche-nous ta parole. Mets l'homme de côté. Car l'homme n'est rien, la chair n'est rien. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Je supplie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la prédication. Et de chaque esprit, pour le soumettre à ta volonté. Et que cette parole atteigne le but. Car tu as dit qu'elle ne peut pas retourner à toi sans avoir exécuté tes desseins. Sans avoir accompli tes volontés. Laisse que tes volontés soient accomplies dans nos vies, dans l'église, sur la terre et partout. Que la parole atteigne l'objet. C'est pourquoi tu l'envoies. Et laisse nos cœurs tout entier. Et laisse-les ressembler à Christ. Que tout ce qui n'est pas comme Dieu soit retranché de nos vies, soit chassé de nos cœurs. Et la piété ta divinité se manifeste. Que tu pardonnes nos péchés, toutes nos fautes et nos erreurs, car auprès de toi se trouve le pardon en abondance. Amen. Afin qu'on te craigne. Telle est ta parole qui nous enseigne ces choses. Et nous venons comme des disciples, nous humilions nous-mêmes, nous effaçons nous-mêmes pour apprendre de toi les bonnes choses. Des choses utiles pour la vie éternelle. Reçois la prière de chacun, exauce la Seigneur et pourvois à tous les besoins profonds des cœurs, pour les aspirations que la bouche ne peut exprimer, ce que la bouche ne peut pas dire, ni même pas expliquer. Mais le Saint-Esprit sonde les cœurs et les âmes, pour les pensées profondes qu'il y a là, et tu es capable d'exaucer et de prendre soin. Que ton soit élevé au-dessus de toi, et que ta parole soit glorifiée, comme ce fut le cas au commencement. Souviens-toi de nos prières dans la chaîne de prière, qui est présentée aujourd'hui, Seigneur, et répand les bénédictions, répand les réponses, augmente nos capacités, rends-nous plus capables qu'avant, et ouvre nos cœurs, afin que nous soyons prêts à te servir, à pouvoir nos besoins présents, pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ici. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu maintenant dans la Bible. Juge chapitre 10. Josué, excusez-moi. Josué chapitre 10. Nous lisons le verset 5. Et puis nous reprendrons à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Josué 10, verset 5 d'abord. Cinq rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmouth, le roi de Lachis et le roi d'Eglon se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Bamoni konjimitano na bamola ba konjina Yerusalemi pe ba konjina Ebelami pe ba konjina Yemenite pe ba konjina Lakisa pe ba konjina Ejeami ba langani faki ba soda na bango pe ba botaki na ba soda na bango yoso ilomete ba solaki molako liboso na Jibona pe ba solaki etunga na yango. Versets 12 à 14. Alors Josué parla à l'Éternel. Les jours où l'Éternel livra les Amoriens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et il ne s'est hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'homme ou l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Car l'Éternel combattait pour Israël. Natango yango yoswa alavelaki Yahweh na mokolo. Yahweh apesaki ba mola epai na mibali na Israele. Pe alavaki na miso na Israele eti. Mola telemanye epai na Jibona. Pe yo sanza na lobwaku na Ayerana. Mola pe etelemaki nye pe sanza etikalaki etikaki kotambola. Kino esilaki bato kobukanisa baini na bango. Oyo ekomami na mokanda na ya salate. Moyo etelemi na kati na likolo mpe etikaki mokite soko mpona mokolo moko mobimba. Mokolo mosusu mpela moko na yango ezalaki liboso te mpe na nsima te. Wana eyokaki Yahwe mongongo na moto. Ete Yahwe Abonaki pona Israele. Esaïe 28, verset 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Perazim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Akosilika lokola na lobwaku na Jibona ete asala mosala na ye, mosala na kokamwa ete abongisa likambo na ye, likambo na ye ya kokamwa. Ephésiens chapitre 4, les versets 11 à 13. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et d'autres, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fin, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la table du Seigneur maintenant. Bienvenue à la table du Seigneur. Que nos cœurs se réjouissent de son nom, de sa vérité, de son évangile. Puissent nos cœurs se réjouir. Car Dieu, quand il parle, c'est forcément pour notre bien. Même si cela peut nous amener quelques années, dans certains cas, mais c'est pour notre bien. Parce que soir, nous revenons encore à la pensée de l'appel de William Branham. Voilà, cinquième partie. Mercredi passé, c'était première partie. Le jeudi, deuxième partie. Vendredi, troisième partie. Dimanche dernier, quatrième partie. L'appel divin de William Branham. Mercredi, nous avons fait une sorte de parenthèse. L'esprit nous a conduit. Donc, il nous a amené, normalement, c'est avec la même toile de fond, l'appel divin de William Branham. Mais nous avons beaucoup plus parlé de la postérité de la foi au service de Dieu. La postérité promise de la foi ou la semence de la foi qui viendrait parler de l'œuvre du Seigneur et qui servira le Seigneur et l'œuvre qui sera accomplie, l'œuvre de Dieu prospérera aux mains du ressuscité. Prospérera aux mains du Messie ressuscité. Car lui-même, en tant que Messie, Christ, loin de l'Éternel, il était désigné comme étant le serviteur de l'Éternel. Le serviteur de Jéhovah. Et après sa résurrection, l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre de Jéhovah, il devait prospérer en quatrième. Et nous avons vu qu'il était lui-même le little Jéhovah. Il est né comme un petit. Il s'est élevé bien haut et très haut. C'est le programme de Dieu dans les cieux. Gloire à Jésus-Christ. Vous l'aimez? Gloire à son Saint-Nom. Tout était prévu. Et c'est le programme de Dieu, comme on l'a dit. Il intéresse les aigles en ces temps. Il intéresse les enfants de la promesse de Dieu. Nous ne nous préoccupons pas de futilité. Petites histoires, les hommes à gauche à droite. Notre attention est portée sur le programme de Dieu. Le programme est écrit dans sa parole. Sa parole est sainte et l'esprit. Donc hier, j'ai dit, avec toujours la même toile de fond. C'est dans le cadre de l'appel divin de William Branham. Et dans ce grand thème de comment il est le ministère de la parole, comment il est. Alors que nous avons encore parlé de la super race. La super race, non pas selon les hommes, mais selon Dieu. Et nous sommes justement dans un temps des super. Nous sommes dans un temps des super. Et tout le monde veut être une super race. Voyez les jaunes. Voyez là. Moussaka. Et les bruns. Les bruns. Et voyez. Tout ça. Ce sont les différentes races. On voulait compter quatre races. Donc ce sont les races qui assurent la terre. Mais dans cela, les albinos. Vous le voyez sur la peau claire, mais ils appartiennent normalement à la race noire. Mais ils n'ont pas le pigment noir, là, appelé mélanine. Un défaut congénital. Nous ne sommes pas si fiers d'appartenir à telle ou telle race. Vous voyez ce complexe des races. C'est les noirs et les blancs. Il y a toujours un débat là. Quelle est la race supérieure? Donc plusieurs blancs, notamment des parlements. Ils ont ces racismes-là imprimés. C'est considéré comme étant au-dessus des autres. Et même Hitler, comme disait Frère Brenard, il avait l'habitude de démontrer à ses compatriotes allemands que c'était la petite race. Frère Brenard a dit, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'en étaient pas les cas. Ce n'est pas la superrace. Donc il y a des couches, des zones, des milieux de villes là-bas. En Allemagne, où on ne supporte pas les autres. Pour ils sont conservateurs là-haut. Et quand vous allez aussi en France, il y a des quartiers où il y a des choses pareilles. Surtout à l'égard des Noirs. Et une théorie, une idéologie a été développée pendant des années, faisant croire que la race blanche était supérieure à la race noire. Et maintenant, un prophète complexé du nom de Simon Kimbamba. Donc, il est allé donner soi-disant une prophétie célèbre. Sur laquelle les Kimbanguistes reposent toutes leurs espérances. Et vous devez voir la prophétie. L'homme noir deviendra blanc. Les décennies sont passées. Ils ont totalisé la décennie Kimbanguiste. Depuis le 6 avril 1921, ça fait 100 ans. L'année passée. Donc, depuis que Simon Kimbamba avait commencé son ministère, le dimanche 6 avril 1921. Et c'est ce jour-là qu'il avait annoncé sa célèbre prophétie. Il est entré d'une demeure un peu sérieuse là pour prêcher à ceux qui étaient d'abord un protestant. Il appartient à l'église des protestants. Mais il a une onction. Il le faisait rapprocher des Pentecôtistes. Il faisait un air sérieux. Pas pour lui. Et la chair, il a commencé à construire. Et parmi les choses qu'il a dit, une des célèbres prophéties, c'est quoi? L'homme noir deviendra blanc. Et l'homme blanc deviendra blanc. Ils sont allés acheter une quantité de produits cosmétiques à base de l'homme. Ils n'étaient pas contents de leur couleur noire, de leur peau. Et pourtant, ceux-là qui sont appelés noirs, Frère Nam avait l'habitude de les appeler non pas des blacks, mais lui les appelait des colored men. Si vous traduisez directement, ce sont les gens colorés. En français, on nous appelle des noirs. Le prophète William Branham nous appelle des colored men. Les gens, les hommes colorés. Les hommes colorés. C'est ce que c'est. Vous savez que les noirs, c'est le mélange de toutes les couleurs. Et le blanc, c'est l'absence de couleur. Donc le blanc, ce n'est pas une couleur vraie. C'est l'absence de couleur qui s'appelle blanc. Maintenant, quand vous mélangez toutes les couleurs, par exemple les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, vous verrez, il n'y a pas les blancs dedans. Il y a les rouges, il y a les, il y a les bleus, il y a les indigo, il y a les violets, il y a le vert, il y a l'orange, il y a les jaunes. Il n'y a pas de blanc. Alors, quand vous prenez toutes ces couleurs-là, les et que vous les mélangez dans ces mêmes endroits, ça devient du noir. Donc, le noir, c'est le mélange de toutes les couleurs. Alors, quand vous entendez William Branham dire, le color de man, l'homme coloré, c'est à nous en fait qu'il y a toutes les couleurs. Mais nous, on nous appelle des noirs. Et même les politiciens américains, quand ils battent leur campagne électorale, ils font des fois un clin d'œil aux blacks. Et les blacks dont ils parlent, ce sont les noirs. Les blacks. Les noirs. Mais les prophètes les appellent colored men. C'est pour les donner un peu de considération. Et le même prophète en parlant, il dit que la race noire, elle a beaucoup plus de qualité supérieure à la race blanche. La race noire a beaucoup plus de qualités que la race blanche. Alors, il était contre la ségrégation. Et nous, en tant que croyants du message, nous ne pouvons pas prendre ça pour devenir complexés d'un complexe supérieur. À l'époque coloniale, les noirs étaient souffrait d'un complexe d'infériorité. Parce que les colonisateurs blancs, leur répétit matin, midi, soir, rapidement, vous êtes inférieurs. Et pour les qualifier, c'était soit 5, c'est comme ça qu'on le traitait, c'était soit des singes ou des macaques. Les macaques, que le macaque ne porte pas d'habit. Et le macaque est très impoli. Et ce petit animal-là est très impoli. Il peut se mettre à faire du gaz même en public. Il ne se gênera pas. Ça fait sentir mauvais, il n'est pas là. Ça, c'est le macaque. Alors maintenant, les colonisateurs blancs, ils traitaient les nègres, les noirs, des macaques. Voilà. Pour dire que c'est lui l'homme blanc qui est venu nous apprendre à nous habiller. Et nos ancêtres qui étaient complexés. C'est un complexe d'infériorité. Au point de venir placer les espérances dans la prophétie. Quand que l'on interprète, hein? Non, non, vous savez, quand le prophète a dit ça, ça ne veut pas dire la couleur de la peau. Mais ça veut dire que les fonctions que l'homme blanc occupait, seront occupées par l'homme noir. Mais où et quand? Miséricorde. Mawa. Que Dieu ait pitié de nous. Nous n'avons pas besoin de fabriquer des choses. Le grand prophète de tous les temps. La sainte Bible de Dieu. C'est le grand prophète qui contient les grands prophètes. Et ça pour d'autant plus certain. Alors, ne basculez dans son complexe. Vous êtes ce que vous êtes. Parce que Dieu, votre créateur, a voulu que vous soyez un. Soyez ce que vous êtes. Si c'est blanc, c'est blanc. Si c'est noir, c'est noir. Êtes-vous là? Si c'est jaune, jaune. Si c'est brun, brun. Que Dieu soit avec nous. Mais comme il est écrit dans Acte 17, il est dit ceci. C'est un des passages auxquels Frère Branham se rappelle souvent pour casser la théorie, la fausse doctrine et la ségrégation raciale. Il prenait Acte 17, là particulièrement le verset 26, hein, mais je vais lire ici pour envoyer le contexte, verset 24 à 29. Et nous lirons certainement en parcourant le verset 26. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Nzambe oyo asalaki mokili na biloko nyonso na kati na yango. Ye wana azali kolo na likolo pe na se pe akovandaka na bisambelo etelemi na maboko na bato te. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Maboko na bato te makosale la kayeti lokola soko azali na bosenga na eloko. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, verset 26, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Nankolo moko aboti si mabota yonso na bato kofandaka na mokili yonso na se aponeli bango bilaka mpe atieli bango mbelo na bifandelo na bango. Et il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ete baluka nzambe na elita ete bakoka ko mama na koluka ye pe kozwa ye azali mpe mosika na moto na moto na biso te. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ete kati na ye tozali na bomoi mpe kotambola mpe kozalaka. Quelle que soit la couleur de votre peau. Ata posonini ya langi ya ata langi nini ya posona yo. Que nous avons la vie. Ezali kati na nzambe le tozali na bomoi. Le mouvement et l'existence. Olingana pe kozala. Le savoir être, le sens d'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. Maintenant. Ainsi donc, étant la race de Dieu. Quelle est la race de Dieu? C'est quelle couleur là? La blanche? Ou la pembe? La jaune? Ou la moussaka? De couleur de main? Quoi? Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or. À de l'argent. Ou à de la pierre. Sculpté par l'art et l'industrie de l'homme. La race de Dieu, elle est supérieure. Parce que Dieu lui-même est au-dessus des humains. La super race. Identifiez-vous en lui. Sortez de toutes ces confusions raciales. Oh, d'être le blanc supérieur, d'être le noir supérieur. Laissez tomber tout ça. Voyez, plusieurs tenanciers mingi batu azali kozala ngambo la négritude, les grands philosophes et les argumentaires de la négritude, ils soutiennent haut et fort bazali kosimba yango makasi penza les droits et les intérêts de la race noire. Et ils estiment que la race noire dominera le monde entier. Ils se battent. Ils font des choses dans ce sens. Attendent l'avènement du règne noir. Et dans l'argument, ils vont jusqu'à réclamer la race de Jésus-Christ. Ils disent clairement que Jésus-Christ était noir. Et l'un des arguments, c'est quoi? Quand une femme a des problèmes dans son mariage, où est-ce qu'elle se réfugie? N'est-ce pas chez ses parents? Ils n'allaient pas dit, l'enfant Jésus était menacé de mort. Et où est-ce que Marie a trouvé refuge avec l'enfant Jésus? N'est-ce pas en Égypte? Et puis l'Égypte et les pharaons d'Égypte étaient rois. L'histoire là, inventée par les Blancs, représente des pharaons blancs, c'est faux. Nous savons que c'est vrai. Les pharaons de l'époque d'Alexandrie là-bas, c'était des noirs. Et les Juifs eux-mêmes, d'où est venu ce livre? Il y a eu plusieurs écrivains de ce livre. C'est en Israël, non? Ils sont de quelle race? Les Juifs. Ils sont de quelle race? Naturellement parlant. Oui? Et vous ne savez pas? Si un bébé qui passe par là, donc il va vous ramasser. Vous ne saurez pas comment répliquer. Les Juifs sont de quelle race? Que dit notre messager? Les Juifs sont de quelle race? Moi je l'ai déjà dit du haut de cette chaise. Toutes ces années, au moins deux fois. Une fois à Niembo, une fois à Niembo, les Juifs sont de quelle race? Et il faut avoir une race. Plusieurs disent que ce sont des Blancs. Abraham dit que les Juifs ne sont pas des Blancs. Mais les Juifs sont des Blancs. Ce sont des brins. Des brins sont brins. Jésus-Christ en naissant parmi les Juifs. Il était un brin. Et les Chinois, les Japonais, les Russes, ce sont des jaunes. Hein? Surtout les Chinois. Les Chinois là, l'Empire oriental. Ce sont des jaunes. Les vrais blancs, ce sont les Anglais. Même pas les Américains. Ce sont les Anglais, les Britanniques. C'est ainsi que même leur pays, s'appelait Angleterre. C'est-à-dire pays des anges, selon une certaine conception légendaire. Oui, il y a un les anges sont des blancs. Et on prend le diable, Lucifer. Quand le colonisateur dessine Lucifer, c'est un noir. Et quand il dessine les anges, ce sont les blancs. Et ils ont enseigné des choses stupides comme ça. Pendant des siècles et des siècles. Frère, sortez de ces confusions. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas la Bible qui dit que les anges sont des blancs. Mais c'est l'homme colonisateur qui, pour se montrer supérieur, il a produit des photos, qui représentent les anges de Dieu comme étant des blancs. Et chaque démon, et même Lucifer, le chef des démons, chaque fois qu'on le dessinait, c'est un noir, et même avec une queue, pour se rapprocher de la forme animale. C'est pour nous faire croire que nous sommes des démons. Et que donc les blancs qui sont comme des anges doivent dominer. C'est pas des mensonges, frère. Dieu a fait tous les hommes à partir de ça. Il y amène à la vérité. Nous venons de le lire ici. Acte 17, verset 26. Dieu a fait tous les hommes à partir d'un seul homme. La ségrégation raciale et démoniaque. C'est une société littéraire et théologique. Nous sommes tous frères. Nous allons si un l'homme tue l'homme, et l'homme verse le sang d'un homme, la Bible dit dans Genèse 9, Dieu redemandera le sang de l'homme à l'homme qui est son frère. Dieu considère les êtres humains comme étant tous des frères. Et donc, en cas de détresse, un manque de sang, une anémie sévère, et la compatibilité de votre sang, quelle que soit la race en présence, le sang de votre semblable humain peut vous sauver la vie. Est-ce qu'on peut vous transfuser le sang d'un blanc? Est-ce que ça fera que vous deveniez blanc? Ça n'a rien à voir. Il est blanc à cause du complexe. Ça peut vous sauver la vie. Que Dieu soit béni. Donc, on n'est pas ici à disputer l'appartenance de la race de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ lui-même était de la race de Dieu. Il n'était ni juif, ni de Jean. Mais il était Dieu devenu. Il est de la race de Dieu. En tant qu'tel. Selon la chair, il est descendu de la tribu de Judas. Donc, c'est un vrai juif. Selon les considérations charnelles. Mais dites-moi, le sang qui a produit Jésus-Christ, venait-il de Joseph ou de Marie? Parce que Joseph était descendant de David, de la tribu de Judas. Marie, la mère de Jésus, la tribu n'est pas déclinée dans la Bible. On ne sait pas s'il appartenait, elle appartenait à quelle tribu. Lorsque les 12 tribus d'Israël, vous voyez, maintenant, le sang qui a produit Jésus ne venait pas de Marie. Donc, tribu inconnu. Ça ne venait pas non plus de Joseph. Mais de Judas. Mais c'était une création de Dieu. Dans le sein de la Vierge Marie. Dieu a créé ce sang. Et comme il est écrit, dans Hébreux 10, verset 5, il a voulu le sacrifice, l'holocauste, ce qu'on offre d'après la loi, mais il m'a formé un corps. C'est Dieu qui a formé ce corps. C'est Dieu qui a créé façon de ce corps. Ce n'était pas une procréation, mais c'était le commencement de la création de Dieu. Lorsque Dieu le créateur a décidé de se faire lui-même une création, de devenir une création de sa création. Ça, c'est le mystère de la piété où Dieu a été manifesté. Et il voulait produire et racheter une super race. Le Brenham nous l'a dit hier. Il voulait racheter une super race qui sera accompagnée des signes surnaturels, des miracles surnaturels, produit par un Christ surnaturel, il manifeste une foi surnaturelle, et qui était ressuscité de façon surnaturelle. Soyez l'un d'eux. Alors, après avoir vu ça, la postérité de la foi américaine, et puis la super race, maintenant nous revenons encore un peu en phare, à la pensée. Nous avons commencé à méditer depuis la semaine passée l'appel divin de William Branham. Il a eu un appel et nous avons eu à lire cela. Dans les dernières méditations que je vous ai soumises, mercredi, parce qu'on ne pouvait pas y revenir hier, sans que cela n'amène une très longue prédication. Alors nous avons voulu éviter cela, par la grâce de Dieu, et nous nous sommes laissés conduire comme Dieu a voulu. Dans les sermons, le témoignage de William Branham, du 10 février 1960, nous avons lu le paragraphe 7 avant, en terminant la prédication de mercredi. Alors, je reprends ce paragraphe 7 juste la deuxième partie. Et ensuite, à l'âge de 7 ans, j'ai transporté de l'eau dans un petit seau de la grange à la maison. Et c'était l'arrière saison. En automne. Et je me suis assis sous un arbre pour me reposer juste un instant. Et avec le seau en main, mon père était un très grand buveur. Et j'ai entendu le vent souffler. Et il y avait un très grand calme partout. Et je me suis demandé d'où venait ce bruit. J'étais assis sous un grand arbre. Et j'ai fait un pas en arrière pour chercher tout autour d'où provenait ce vent. Et à peu près à mi-hauteur, sur l'arbre, ayant à peu près la grosseur d'un tonneau, les feuilles tournoyaient sans arrêt, tourbillonnaient dans l'arbre. Une voix provint de là. Disant, ne fume jamais. Ne bois jamais. Et ne suis ton corps d'aucune manière. Tu auras une œuvre accomplie quand tu seras grand. Il paraphrase pour insister, en parenthèse, tu auras une œuvre à accomplir. Et cela m'a effrayé. J'ai laissé tomber mes petits pots. J'ai très vite couru à la maison. J'ai sauté dans les bras de ma mère en priant. Et j'ai dit, il y a un homme là dans cette place. Et il était très agité. Il est allé près de l'arbre. Il a regardé tout autour. Il a voir s'il y avait quelqu'un là. Il avait très peur. Il a appelé le médecin. Et le médecin a dit, il est simplement agité. Hier, nous avons entendu. Reprenons nous dire que Dieu ne montre pas les signes surnaturels à tout le monde. Mais il montre ces signes-là à ceux qui sont prêts à dessiner à l'époque. Vous voyez, même la mère de William Branham est allée sous l'arbre et là vérifier, inspecter partout pour ne voir aucune trace, rien. Pourquoi ça? C'était du surnaturel destiné au petit garçon et non à personne d'autre. Ça venait pourtant de se produire. Il n'y avait même pas longtemps. Mais sa mère retourne là-bas. Il n'y a rien. Mais probablement que si la femme Branham retourne là, le signe allait s'agiter encore. Pour montrer que Dieu est présent. Et quand quelqu'un d'autre vient, Dieu cacherait ceci. Il laisse les arbres dans l'état naturel. Les feuilles dans l'état naturel. Mais quand le destin a fait, arrive là sur lui. Dieu lui montre les signes. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans Actes des Apôtres au chapitre 9, nous voyons encore un paradigme semblable. Oh, il dit ceci. Actes chapitre 9. Quand il a appelé Saul de Tarse, il est écrit ceci, verset 3, et nous descendons. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venait du ciel resplendit autour de lui. Êtes-vous là? Je saute, prends le verset 7. Les hommes qui l'accompagnait demeurait stupéfait. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Mibali oyo batambola kina ye yango batelemi na kolobati baloki mongongo yango nde bamoni motote. Dieu ne peut pas montrer pleinement ce qu'il a destiné au serviteur à qui il parle. Aux autres qui n'étaient pas concernés. Ils ont su qu'il y avait quelque chose là. Mais ils n'ont pas saisi tout ce qui entourait ça. Mais seul. Saisit et la voix et voit la lumière. Il a vu la lumière et se rendu compte. C'est comme bien des fois le Seigneur me parle ici. Vous êtes là, si vous écoutez la prédication, qui a déjà entendu quand Dieu me parle? Vous voyez juste le prédicateur prêcher, il est à moi. Mais lorsque cette même voix, nous vous disons que nous a parlez pour vous établir dans le voilà, malgré tout ça, vous n'entendez rien du tout. Mais posons le présent. Ce sont les choses de Dieu. Ça arrive à pleine mesure à celui à qui cela est destiné. Mais pour prendre des témoins, je peux faire en sorte que certains extraits, vous puissiez en saisir quelque chose. Êtes-vous là? Dieu est merveilleux. Il est souverain dans sa manière de faire. Mais il peut manifester et amplifier un même chose. Il peut faire en sorte qu'auprès de l'un, ça apparaisse de cette manière, auprès de l'autre de cette manière-là, auprès de l'autre de cette manière, pendant qu'il s'agit de la même chose. Dieu a une manière de faire les choses. Lorsque moi je continuais à hésiter, à douter de l'appel de Dieu, là loin, en 1994, bon, j'ai accepté le ministère malgré moi. Mais quand le Seigneur me parlait, il a eu à dire une fois, va d'abord. Si je ne confirme pas, tu sauras que ce n'est pas moi, et tu pourras faire ce que tu veux. Et alors, j'ai accepté. Alors, le 14 mars 1994, j'étais encore à la chaise, là à Kissa, une petite communauté. Donc, ce soir-là, on était environ 7 ou 8 adorateurs réunis. 7, je crois. Mais écoutez, il y avait des soeurs et des frères. Il n'y avait pas d'électricité. Donc il faisait noir dans la tente en chambre où nous réunissions. Et c'était dans la cité d'Nkandu. Si vous connaissez Nkandu là, vous allez vous dépasser le parking, vous prenez la porte de la bouche quelque part là. Vous avez alloué un endroit. Alors j'étais à la chaire. Autre fois là j'avais l'habitude de mettre toujours mon traducteur à ma droite. Mon bras droit. Mais depuis cette date là, vous voyez toujours ceci. Même s'il était allé là, il retourne. Parce que le Seigneur a montré un petit signe. Le 14 mars 1994, c'était pour me rassurer. J'étais en train de prêcher sur la stature d'un homme pasteur. À cette date-là, à cette petite communauté, cette croyance, mais nous prêchons la stature d'un homme pasteur. Avec le même sérieux et la même onction dont vous me connaissez. Devant cette croyance, criant, prêchant fort. Vous pouvez vous représenter ça? Et quel âge vous aviez à cette époque-là? Le 14 mars 1994. C'est passé à ce moment-là. Vers la fin. la présence du Seigneur se fait sentir dans la salle. L'onction était forte. Et par quoi ils allaient ma cache. Il y avait des sœurs en larmes. Ils pleurant de repentance. À l'ancienne mode. Que Dieu soit béni. Laisse que le Seigneur nous donne de telles occasions. Mais que nous soyons souples devant nous. Donc, une des sœurs, elle s'appelait Pauline. Une autre sœur s'appelait Mamie. Voyez, un autre frère s'appelait Jacques. Un autre frère s'appelait Jean-Marie. Voyez, ils étaient présents. Un autre frère s'appelait Théophile Kalemba. Tous ceux que je cite là sont en vie, je pense. Bon. Frère Pauline était allé en Bazangungu, à l'Assemblée de Mazangungu. Sœur Mamie était allée à Kinshasa. Plus tard, bon, j'espère qu'ils sont encore en vie. Ça fait des années. Le frère Jacques existe encore. Frère Jean-Marie existe encore. Frère Théophile Kalemba. Vous l'avez déjà vu, il nous a salué une fois sur le coup là-bas. Le frère là de Kisant qui m'a donné le nom. Le frère même qui m'avait donné, qui a fait un garçon qui m'a donné le nom. Oh, ils étaient là. Venez écouter. Quand la présence de Dieu se manifeste, moi, je vis la lumière surnaturelle traversant le couloir. Et va et vient. La colonne de feu. Cette lumière-là, jaune, c'est comme crispé. Je n'arrivais pas à beaucoup parler. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Elle faisait des va-et-viens. Il a des soeurs qui criaient et des frères qui poussaient des cris. Or, un frère dans la salle. Pendant qu'on était en prière, là, lui, il a vu trois personnes à la chair. Écoutez la scène. Moi, je vois ce que je vois. Un frère lui voit trois personnes. Trois hommes debout à la chair. Il identifie moi. Il identifie mon traducteur, mais il voit entre nous deux un autre homme bien constitué, regardant l'auditoire, ne disant rien. Voilà. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle visitation. Et maintenant, une autre sœur, elle a entendu quelqu'un entrer dans la salle. Avec des pas de quelqu'un qui pèse. Pas, pas, pas. J'étais tellement fort ce mouvement-là. Quel signe haut. Oh, je veux ouvrir les yeux pour vous. Qui est entré? Il n'y a pas quelqu'un qui est garde du corps. Oh, les gorilles, les Mobutu, les Yibou. À l'époque des gardes de Maréchal, il y avait les Yibou qui terrorisaient. Faire des fois les éruptions en province là-bas. Comme un autre monsieur était bien commandé. La ville pendant un temps. Que tous les commandants, tous les policiers avaient peur de sortir après 22 heures. Parce qu'il y avait un commando venu de Kinshasa capable d'éliminer n'importe qui. Cette soeur n'a pas pu se retenir. Il a finalement ouvert les yeux pour voir qui était celui qui m'a fait. Elle n'a rien vu. Comment comprenez-vous ça? C'était la même date, le 14 mars. 1994. Nous prêchons sur la stature d'un homme parfait. Un mercredi soir. Oui, je pense que c'était mercredi. Ça doit être ça. Alors. Et il y a eu ce mouvement-là. Êtes-vous là? Vous allez voir là? Miséricorde. Mawa. C'était au fait le même signe. C'est que Dieu amplifié. Aux Zambi, à tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que ce L'ange du Seigneur campe autour de ses clés. Et il les arrache à tout danger. C'était une assurance qu'il m'a donné. Il va d'abord. Il fait trop les têtus. Il ne confirme pas. Il sera alors. Il ne sera pas moi. Dieu a tenu promesse. Il m'a donné ceci. Je sais que l'ange du Seigneur campe autour de ce glaive. Pour les arracher à tout d'abord. Croyez-vous ça? Il est le même qui était descendu à la passe-porte. Sous forme de la colonne de feu. En plusieurs fractions, plusieurs fractions. Sans rien dire. Il les a simplement remplis. Et sa puissance. Le même esprit de la passe-porte continue à traiter dans l'église. Nous sommes dans les mystères qui sont révélés en ce temps. Il a dit qu'il y a le mystère du retour de la colonne de feu d'Amérique. Au commencement, il est maintenant, c'est la même chose. Nous sommes au temps de la restauration. Croyez-vous que Dieu est fidèle? C'est lui qui a fait la promesse fidèle. Le Dieu de la Bible est vivant. Il peut encore nous visiter. Croyez-vous vraiment? Chacun doit être témoin de la grâce de Dieu qui rend capable. Mais nous avons besoin de choses automatiques. Nous n'avons pas besoin de fabriquer quoi que ce soit. Mais il faut des choses automatiques. Automatiques. Et automatiques de la souveraineté de Dieu. Pendant que lui, Dieu, veut nous faire du bien. Béni soit le Seigneur. Mais regardez maintenant ce qui s'est passé pour Paul. Regardez comment Dieu amplifie et change les choses. Nous avons lu dans le au verset 7-6. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Dans Acte 22, 6 et 7, comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Une grande lumière. Jusque-là, acte 9, verset 3, et acte 22, verset 6, ça dit la même chose. Maintenant, le verset 7. J'ai tombé par terre, et j'entendis une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je réponds au verset 8. Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Hein? Là-bas, on a dit quoi? Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont vu personne. Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont vu personne. Faites attention aux mots de la Bible qui sont écrits. Ne créez pas une confusion. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Bango bazalaki na ngai esika moko bamoni kongenga na yango nde bayoki mongongo molobi na ngai te. Ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Bayokaki te mongongo ya motanga ya koloba. Si tu es un lecteur intellectuel de la Bible, allez, allez, allez. La Bible, c'est quoi? C'est une contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Chaque mot de la Bible est inspiré de Dieu. d'un côté, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont vu personne. Personne. Ils n'ont vu personne. Mais au moins quelque chose s'est passé. En a fait des témoins. On dit qu'il s'est passé quelque chose. Mais quoi précisément? Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont vu personne. C'est le même Paul qui rend témoignage ici. Ils ont vu bien la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parle. Qu'est-ce qu'il y a là dans tout ça? Des témoignages surnaturels, des signes surnaturels que je donne. Vous ne pouvez pas les analyser intellectuellement. Vous allez tirer une conclusion fausse et dire qu'il y a des fausses là-bas. Il n'y a pas de fausses. Dans Actes 9, ils n'ont vu personne. Et pourtant, le même Paul se référera à cette expérience. Il dit dans 1 Corinthiens 9, au verset, ce qu'il dit ici, dans 1 Corinthiens 9, le verset 1, ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Ngai na jali somite, ngai tomate, na moni ye son kolo na bisote. Ne te fous pas mon œuvre dans le Seigneur. Bino mozali mosala na ngai kati na kolo te. Mais voyez-vous là, la troisième question. Wana mutu na misa. N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Ngai na moni ye son kolo na bisote. Jésus c'est la personne. Yesu zali moto. La lumière c'est la lumière. Pour les pe zali kolo. N'est-ce pas? Bongo. Sol de taxes, référent à son appel, témoigne avoir vu Jésus-Christ. Il témoigne avoir vu Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui étaient avec lui, ils ont entendu la voix, qui parlait, mais ils n'ont vu personne. Mais seul qui a entendu la voix a vu la personne de Jésus-Christ, qui a des yeux comme des flammes de feu, de laquelle sort une grande lumière. Mais c'était une personne. Au point que quand il a parlé, Sol a demandé, qui est-il Seigneur? Et celui-là a répondu, je suis Jésus de Nazareth. Et à l'occasion, Sol de Tars a vu Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette lumière, il a vu la personne. Mais ceux qui étaient avec lui n'ont pas vu la personne. Mais là, acte 22, la nuance, ceux qui étaient avec lui n'ont pas vu de lumière. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Les pages ont tourné ici. Elles sont là, acte 22. Oh! Acte 22. Très bien. Verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas vu la personne pour contredire acte 9. Là où ceux qui étaient avec lui n'ont vu personne, il a bien dit, ici, ils ont vu la. Mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait. Ils sentaient bien que quelqu'un parle. Pas le message lui-même. Mais la voix en tant que bruit. Ils ont entendu un son. Et ils savaient que quelqu'un parle. Il parle à qui? Il savait pas. Il est en train de dire quoi? Il savait pas. Mais ils ont entendu un son. Et c'est de ça qu'il s'agit dans Acte 22. Ils n'ont pas entendu la voix de celui qui parlait. Autrement dit, ils n'ont pas entendu le message littéral de ce que la personne disait à Paul. Ils n'ont pas saisi qu'est-ce que cette personne disait à Paul. Ils ont entendu quelqu'un parler. Ils ont entendu une voix. Mais qu'est-ce que la voix a dit? Ils ne l'ont pas entendu. Êtes-vous là? Et c'est le même mystère qui revient ici dans... Si vous allez dans Jean, comparez l'écriture avec l'écriture. Mais la question ne change pas de sa manière. Quand il vient avec des signes surnaturels, ne cherchez pas à les interpréter intellectuellement. Mais saisissez la portée dans laquelle vous revient. Ici dans Jean chapitre 12, le Seigneur dit ceci, verset 28, à 30. Père, glorifie ton nom. Encore ici, une voix. Une voix vient du ciel. N'est-ce pas? Et la voix, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ça donne une phrase précise, non? Un message clair. Jésus-Christ, le destinataire, a entendu distinctement. Il savait qu'est-ce que la voix a dit. Maintenant, la foule qui était là, voilà, et qui avait entendu, elle a entendu quoi? Il doit parler. Et qu'est-ce qu'elle a entendu précisément? Dans leur entendement. Il disait que c'était un coup de tonnerre. Et bien là, bato baolo, batele ni wana baloki, yangope, balobie ke kake ngurumi. Est-ce que c'est un coup de tonnerre? Mais effectivement, Dieu qui se cache dans la simplicité, il voit les choses surnaturelles, a attaché le message, et il l'a fait ressentir dans les oreilles de ceux-là, dans la foule-là. Matou, yaba, comme étant un coup de tonnerre. Boum! Et pourtant, Atabongo, c'était un message précis. Une phrase claire. Je l'ai glorifié et je l'ai glorifié encore. Les autres entendent. Boum! Vous entendez que béni soit le Seigneur. Et d'autres disaient, un ange lui a parlé. D'autres, ce n'était même pas un coup de tonnerre. Ils étaient aussi là. Ils ont participé au même événement. Mais comment cela a sonné dans leurs oreilles? Un ange a parlé. Donc, un être qui n'est pas de ce monde ici. Il vient de parler. C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Bon, il lui a parlé, à lui il s'est parlé. Bon, vous dites qu'il n'a pas parlé. Mais là, il a dit quoi? Moi, j'ai le est-ce que ça nous importe? Nous, on sait tellement qu'un être va parler. Et pourtant, il avait dit quelque chose de très précis. Alors, gloire soit rendue à Dieu. Il est insondable dans ses mots. Vous voyez? Et maintenant, ceci, paraphrase. Quand on commentait chacun, il dit ceci au verset 29. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, mais c'est à cause de vous. Et c'est ce n'est pas à cause de moi. Mais c'est à cause de vous. Il cherchait à m'identifier. Vous voulez savoir si je suis le fils de Dieu. Si j'ai un nom qui mérite la gloire. Vous êtes un enfant bâtard. Un enfant illégitime comme vous racontez partout là-bas. Vous allez pouvoir vous citer. Donc un fils de honte. Mais c'est à cause de vous. Le Père dit, tiens, il s'est glorifié. Nous sommes les milliers. Les hommes, les dénigrés, les minimisés. Mais le Père Céleste dit, tiens, il s'est glorifié. Il s'est glorifié encore. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Savez-vous quand nous serons appelés? Dans mon collègue, à l'heure de l'expérience, la cinquième dernière expérience. Oui. Donc, à laquelle je fais allusion dans l'une des prédications pathétiques. La nuit du 28 au 29 janvier 1994. Là, j'étais transporté en extase. L'esprit m'a amené au salon de la maison des frères Gauthier Vubo. À l'époque, il n'était pas encore le pasteur de l'église. Notre petit frère, un bon prédicateur. Et je me suis vu là face à lui. Et dehors, il y avait deux nuages de pluie. Menaçait. Alors je me suis assis à côté. Et du coup, il y a eu des éclairs. Et successivement, deux coups de tonnerre ont eu. Boum! Boum! Et le frère Gauthier, il était comme ça au salon. Il a surchauffé de mon sang. Il a surchauffé de mon sang. Et alors, je lui ai dit, frère Gauthier, veux-tu que je te dise ce qu'on dit les deux tonnerres? Quoi frère David? Je lui dis, ça dit ceci. Mon serviteur, paye et instruit mon troupeau. Ah bon? Et c'est ce que je suis en vision. Vous voyez la scène? Il a dit, ah bon? Le bongo? C'était aussi deux tonnerres. Un premier a donné. Un deuxième. Nous deux, nous l'avons entendu. Et lui et moi. Mais ce que disait le tonnerre, c'est moi qui ai saisi. Mais mon compagnon qui était là. Mon aîné qui était là. Le serviteur de Dieu qui était là. N'a pas saisi le message. Parce que ça ne lui était pas dit. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand je suis allé lui raconter, moi je ne connais toujours pas de ces choses. Il a commencé à me parler de Jonas. Il a dit, frère David, c'est comme Jonas, hein. Si Dieu tient à ce que tu fasses quelque chose, tu peux continuer à multiplier les aliments, les raisons, pour dire, je ne suis pas ceci, je ne peux pas faire cela. Mais, finalement, Jonas devait faire ce que Dieu lui a dit. Je lui ai dit, ne dis pas ça. Il a dit, mais c'est écrit comme ça. C'est compliqué. Mes chers amis, c'est compliqué. Dieu, il retentit. Il fait retentir merveilleusement sa voix comme un tonnerre. La Bible le dit. Et nous aimons ça. Dans les psaumes 29. Regardez encore ce que Dieu prépare. Oh, comme il est un Dieu particulier. Il dit ceci. Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Amen. Et Voyez là que Dieu, quand il envoie sa voix, il parle faire retentir sa voix. Ah, il fait cela. Il fait cela. Il fait cela. Il fait gronder le tonnerre. L'homme ordinaire peut se limiter au tonnerre. Mais l'homme spirituel saisit le message. Oh! Les signes surnaturels. Ici dans les Job, livre de Job, chapitre 36. Job 37. Il dit ceci. Verset 1 et 2. Après nous lirons encore le verset 5, surtout. 1 et 2, après 5, surtout. Mon cœur est tout tremblant. Il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Na oyempe mote marangai ezali kolenga pe kopumbwa na esika na yango. Yoka yoka kumbuma na mongongo na ye mpe makelele kobima na monoko na ye. Il le fait rouler dans toutes les sacs des cieux et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Zambe akonguruma na kokamwa na mongongo na ye. Akosala kama tambo minene masoleli biso tina te. Puis éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Amen. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Verset 4. Na sima na yango mongongo na ye eko ekongalaka ekonguruma na mongongo na lukumu na ye akokangaka yango te wana mongongo na ye eyokani. Et puis le verset 5, c'est comme je dis, on met ça, non? Je vais. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Ah. Dieu tonne avec Zambé sa voix na ye. Et il fait des grandes choses que nous ne comprenons pas. Akosala matambo minene, masosoli biso tina te. Et c'est justement ça. Il a sa façon de faire les choses. Il n'est pas obligé de se soumettre à nous. Mais chacun de nous est appelé et se soumettre à lui. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il donne des signes surnaturels. Il peut les envelopper. Il peut les diversifier. Il peut les amplifier. Comme il veut. Il est Dieu. Et obéissez-lui comme cela. Suivez, marchez à sa suite. Hein? Dieu existe, il est réel. Croyez-vous ça? Dieu existe, il est réel. Et il est tellement réel que nous devons le savoir. Ici dans Jean chapitre 1er, nous voyons également le même Jean avoir expérimenté quelque chose là. Oh, Jean chapitre 1, verset 32 à 34. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et je rendis témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Yohane atatoli ete, namona ki molimo ezalaki kokita na ye lokola ebenga, longwa na likolo te eumeli likolo na ye. Ngai pe nayebaki ete, nde ye oyo asimi ngai kobatisa na mai, ye wana alobi na ngai ete, ye oyo akomona molimo kokita mpe koumela likolo na ye, ye wana azali kobatisa na molimo mosantu. Voyez que Jean rend le témoignage à titre personnel. Il n'engage personne de la foule qui était là. Et j'ai rend témoignage. Parce que Dieu lui avait donné un signe de et lui sur qui toi tu verras. L'esprit de sang est s'arrêté. Et là tu baptises l'esprit de sang. Full stop. Qui dit Amen. La promesse n'était pas donnée à plusieurs. Les concernés c'était Jean et Judas. Ainsi que quand Dieu a manifesté cela, on n'avait pas besoin d'une foule de témoins. Le témoignage des gens seuls suffisait. Et c'est de la justice de Dieu. Il dit, je vis, et je rends ce témoignage qu'il est la justice de Dieu. Mais Dieu a voulu que ce soit Jean le témoin. Maintenant, si toi tu n'es pas d'accord, oh non, moi je ne suis pas convaincu. Ça te regarde. C'est lui qui devait voir à vue. Et après avoir vu, il a témoigné. Bien qu'il n'était qu'une seule personne. Son témoignage était vrai parce que c'est lui qui l'avait envoyé et c'est l'auteur de la promesse et l'auteur de la manifestation. Dieu était témoin de cela. Et Jean était témoin. Le témoignage de la personne. Nous disons Amen. Alors dans Dieu a voulu servir ça exclusivement au petit garçon le surnaturel. Amen. Comme Dieu fait des choses phénoménales. Mais que nous ne comprenons pas. Les vraies grandes choses. Les sommes minimistes. Sa mère est allée là-bas. Maman, c'est la même situation qu'on a lu mercredi. On l'a lu vers la fin de la prédication. Vous vous rappelez? Le témoignage de William Branham. Et aujourd'hui, ce n'est plus que le paragraphe 7. Mais regardez comment l'Esprit nous a conduit là où nous a amenés. C'est la même référence. Nous l'avons lu mercredi. Un autre commentaire a été fait. On l'a lu aujourd'hui, il nous amène ailleurs. Il est celui qui nous dit vos âmes. Il sait comment le faire. De sa propre souveraineté. Que son nom soit béni dans vos vies. Amen. Amen. Avez-vous vu ça? C'est exactement. Maintenant, dans ces derniers jours, je me relis pour terminer. Peut-être le paragraphe sur lequel je voulais revenir, de la résurrection de Jésus, on pourra y revenir une autre fois quand Dieu le voudra. On l'avait aussi lu mercredi, et je vous avais laissé ces méditations. Je ne sais pas si quand vous êtes allé méditer, vous avez trouvé tout ça. Oui. Quand vous avez médité, je vous ai laissé les méditations de ces citations mercredi soir. Qui ont pu lire? Un, deux. C'est comme ça que l'enlèvement aussi se fera. Donc vous étiez au culte, mais vous n'avez pas fait les devoirs de lire. Vous allez voir la méditation, rechercher les citations, les référents qui vous ont été laissés faute de temps. On a dit, on vous les laisse, nous lisons quand même, on ne commence pas beaucoup, on dit un peu de mots, on vous les laisse. Hein? Le mercredi, c'était dans l'optique que les Écritures soient accomplies. Aujourd'hui, c'est l'insistance sur le signe surnaturel. Les Écritures viennent de rendre témoignage. Comme Dieu a voulu que ce soit témoigné ce soir. Moi-même, je ne pensais pas à tout ça. Donc, il est venu pour nous visiter. Et il fait des choses dans la simplicité. Aimez-les, adorez-les. Dans les sermons, Christ révélé dans sa propre parole. Le 22 août 1965. Christ révélé dans sa propre parole. 141. Il a été fait véritablement cher. Cher et même qui a habité par lui. Dans la personne de Jésus-Christ lui-même. Ça, nous le savons, non? Dieu a été fait véritablement cher. Cher humaine. Et il a habité parmi nous. Dans la personne de Jésus-Christ lui-même. Né de la Vierge Marie. Suivez. Il est venu sous cette forme-là. Afin qu'il puisse mourir. Ça, nous l'avons dit hier. Et il est ensuite retourné au ciel. Maintenant, dans ces derniers jours, il a promis de se manifester dans la plénitude de sa chair de nouveau. En esprit. Dans ces derniers jours, il a promis de se manifester dans la plénitude de sa chair à nouveau. En esprit. C'est quelle promesse? De quel passage biblique? Église. C'est quelle promesse? À laquelle Frère Branham fait en parlant comme ça. Même s'il n'a pas cité. Il n'a pas cité un verset. Mais il dit, il a promis. S'il a promis, c'est que ça figure quelque part. Soit dans les prophéties antérieures, soit dans la Bible elle-même. C'est quelle promesse? Ça, ne vous égarez pas. Ne vous trompez pas sur ce sujet. Nous lisons les prophètes avec la base biblique. C'est un prédicateur de la Bible qui nous ramène à la Bible. Il ne peut pas raconter des fables. Il rêve. Il prêche l'évangile. Il enseigne l'évangile. Et nous témoignons. Maintenant, dans ce dernier jour, il a promis de se manifester dans la plénitude de sa chair, à nouveau, en esprit. Quelle promesse? Luc 17, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Or, regardez Sodome. Comment cela s'est présenté? Ce qui est arrivé. Et maintenant, Jésus-Christ qui est manifesté. Sous la forme corporelle de son Église. Aujourd'hui. Sous la forme corporelle de son Église. Aujourd'hui. Donc lui, il est ici. En esprit. Mais utilisant le corps naturel de son Église. Le Dieu surnaturel qui manifeste des signes surnaturels par un Christ surnaturel ressuscité de façon surnaturelle et qui suscite une foi surnaturelle pour une super race, la race de Dieu qui saisisse sa nature, qui reproduise sa nature, qui reçoive les révélations de Dieu, son inspiration, chemin fait. Que son nom soit béni. Jésus-Christ qui est manifesté sous la forme corporelle. Faisant la même chose. La même œuvre. Les mêmes choses. Il a toujours fait. Il ne change jamais. L'Éternel. Yahweh. Voyez-vous? Et sur la terre aujourd'hui, il s'est manifesté dans les corps humains. Nos corps humains. Qu'il a appelé. Et il a fait exactement la même chose. Et ce qu'il a fait à plusieurs reprises. Est-ce vrai? Est-ce que le message est dit vrai jusqu'à présent? Le message dit-il vrai jusqu'à parmi vous? L'esprit de vérité continue-t-il son œuvre? À faire et à se manifester avec les mêmes caractéristiques que ce qu'il avait fait au temps de la Bible. Oui. Est-ce que Dieu sonne encore merveilleusement de sa voix? Est-ce que Dieu peut produire le signe dans le feuilles de l'arbre? Est-ce que Dieu peut parler clairement et précisément? Est-ce qu'il peut mandater établir les hommes de la ministère? Pouvons-nous voir la même lumière mystique de Dieu? Est-ce que l'ange du Seigneur peut-il camper autour de nous et nous enrichir à tout danger? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est-il votre défenseur pareil au grand lion? Est-il le conducteur de cette église? Est-il possible que vous criez? Vous la vidéo? Qui peut aller au devant? Pour que tous les petits lions soient suivis derrière? A-t-il donné une télévision parmi vous? Que le nom de Jésus soit béni. Je reconnais les témoins qui est là. Et le prêtre Zoumit est une réalité. Il est là même hier, aujourd'hui, et plus possible. Dans les caractéristiques, les signes. Comme lui dit, vous vivrez au ciel. Ne soyez jamais complexés. Dieu est Branham et Sissi. Il vous aime du même amour. Alléluia. Amen. Oh, béni soit le Seigneur. Amen. Il a dit à Frère Branham, et non pas à moi. Il a dit à Frère Branham. C'est l'ange qui lui a dit. Moi, je l'ai dit. Dans l'au-delà. Kunana libanda sana kunana libanda sana ya mutoka kuna kibandi basi pola ya sana ndara kibele kuna moi aussi j'étais parmi na ipenda ndara kikati na bango Dieu a déjà réservé le corps là-bas bambi abomba kizoto kuna ton corps se tient là-bas zoto na ngale kuna ton corps glorifié aussi là-bas zoto na pe akembo zali mobile kuna il peut être vu avant toi huko mona mali mtu na yo oh béni soit le Seigneur pambo na makoma na kuna tout ce que tu as aimé, et tout ce qui t'aime, je te laisse étonner, et les voilà ici. C'est là que nous finirons. Là-bas, s'il faut passer par là-bas, nous serons là-bas, recueillis ensemble. Car les prophètes, les païens de Mosapoli, a dit l'ange à Frère Branham, le même ange, il a dit, je souviens du passage de la Bible. Les prophètes seront rassemblés à leur peuple. Tu peux te souvenir de la Solana. Écrite mystiquement. Et comment les prophètes seront rassemblés à leur peuple. Et l'ange qui venait. Après Branham, ce n'était pas un blanc. Il était de teint foncé. Avec des cheveux noirs. Béni soit le Seigneur. Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez, je l'ai dit en bas. Le temps que l'église a voté. Oui. Oh, je suis ordonné. Hein? L'ange qui venait à Frère Branham était de teinture foncée. Il avait des cheveux noirs. Gloire à Dieu. Bon, vous les racistes, et allez bino. Bino, bato va pour la gloire. Vous avez vos histoires des anges blancs. Bino, bato va pour la gloire. Bino, bato va pour il fait la même chose aujourd'hui. Parce que Dieu a plusieurs reprises à parler au Père, pas le prophète. Et dans ces derniers jours, par son Fils, Jésus-Christ, voyez-vous, le Fils est révélé dans les derniers jours. Dieu manifesté dans la chair humaine, juste avant la destruction de Saddam, la peine de l'homme est gentille. Il y a trois manifestes. Dieu l'a fait. Nous sommes dans la troisième manifestation. L'œuvre et l'action finale de Dieu, pour laquelle Dieu a appelé William Branham. Le quintuple ministère. Le quintuple ministère devait effectuer son travail. La somme de ministères. Pour l'œuvre ministère de Jésus-Christ. On y viendra. Que Dieu vous bénisse. Le temps est fini. Je ne veux pas être indiscipliné. Surtout pas à la chair. Mingi, j'arrête un peu là. Vous aimez cette vérité? Ah oui, il faut pas se montrer indiscipliné. Éternelle puissance la prière, la solution, mais la prière, d'un dialogue, d'un chrétien, avec. Et mon prier, ta prière, est une puissance. Ta prière, c'est la solution. Prier la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec. Vise à prier, mon âme est prière, c'est une présence, ta prière, solution, amène la prière, d'un dialogue, d'un chrétien, oui. Mon âme est prier, la prière, une présence, la prière, qui est toujours la prière, d'un dialogue, d'un chrétien et avec mon âme est prier, la prière, c'est une présence, la prière. Holy God, amé la prière, Seigneur, chrétien, avec l'église à prier, on prie toujours, c'est la puissance, la prière. Mais sois plus faible, sois fort, par la grâce de Dieu, sois debout dans la foi. Oh, chrétien, chrétien, avec mon âme est prier, en prier toujours, une puissance, la prière, la solution, la prière, Saint Jalade, Saint Chrétien, avec mon âme est prier, on prie toujours, c'est une puissance, ta prière, et la solution toujours, la prière, d'un dialogue, d'un chrétien, oui, avec mon âme est prier, l'église a prié, c'est la puissance, la prière. Sois, reprends la force de la prière. Lutte contre la sécheresse spirituelle. Car ton Dieu est celui qui arrose. Par la parole et l'esprit de vérité. Jamais payer, vraiment prier, c'est la puissance, la prière. Pour la prière, d'un dialogue, d'un chrétien, oui, avec mon âme est prier, on prie beaucoup, et ma présence, la prière, et la solution, pour la prière, d'un dialogue, d'un chrétien, chrétien avec vous et mon prier, ma soeur a prié, une présence, la prière, solution, la prière, d'un dialogue, d'un chrétien, oui avec mon âme est prier, prier toujours, une puissance, la prière, c'est la solution. Pour la prière, un dialogue, d'un chrétien, qui avec mon âme est prié, mon frère a prié, une puissance, La prière, c'est la tolérance. La prière est un dialogue d'un chrétien. Oui, avec mon frère à prier. Frère à prier, reprends la vie de prière. Lutte contre la sécheresse spirituelle. Car ton Dieu est celui qui arrose. Par la parole et l'esprit de l'Esprit. Il est le même jusqu'à présent. Oh, oh, oh, avec mon âme est prié. On prie toujours une présence. Prière, solution. Amen, amen, amen. Galade, chrétien, oui, amen. Nous allons prier, prions toujours. En cette présence, priez, priez, nous approchons, amen. La prière, un chrétien, oui, mais on a méprisé, on fera prier, on fera prier, on fera prier, la solution, amen, amen, amen, amen, amen, oui, amen, nous aimons prier. D'entendre parler d'un Dieu vivant réel, qui n'a pas renoncé à ses signes. Il n'a pas renoncé à ses signes. Il donne encore des signes avec les mêmes caractéristiques. L'ange du Seigneur a la suite d'une colonne de feu. L'ange du Seigneur campe autour de ce clergé. Et il les arrache à tout danger. Et les ennemis tiennent nombreux ou seuls. Le Seigneur prendra le devant de la bataille. il garantira notre victoire. Marcherons de victoire en victoire. Nous écraserons les serpents, les lionceaux, notre puissance de l'ennemi sous nos pieds. Notre Dieu, notre victoire. Prions chacun maintenant. Ayons foi. Cette question n'est pas trop. Tout est sous le contrôle de Dieu. Ayons foi dans ce Dieu vivant. Qui continuera à se manifester encore. Et qui sera participant de ce jour. Il te permet de le connaître en train de parler de cela. Parce qu'il est le même Dieu de Moïse. Le Dieu de Gédéon. Le Dieu d'Élie. Le Dieu de Noé. Le Dieu de Branham. Le Dieu de Pierre de Paul. Le nom de Dieu vit encore maintenant. Prions chacun. Encore garde-moi là une précieuse fontaine, l'eau gratuite et guérissante, pour des monts calvaires. À la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que sur l'autre la vie je trouve, oh, à la croix. Golgotha, à la croix, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que sur l'autre, la vie j'ai compris pour Dieu bien-aimé, personne. Remercions pour cette soirée. Passez devant sur le Dieu surnaturel. Dans les âmes naturelles. Au signe surnaturel. Aux œuvres surnaturelles. À la puissance et à la foi surnaturelle. Dieu incomparable. Que la gloire te soit rendue pour tes bienfaits en nom. Donc tu nous rends participants. Et même bénéficiaires. Tu fais de grandes choses que nous ne comprenons pas. Mais tu as dit dans ta parole que ceux qui cherchent l'éternel comprennent tout. Tout ou tard. L'un ou l'autre comprendra. Ajustera sa spiritualité pour produire les fruits que Dieu attendait. C'était les stupidités. Toutes les futilités de ce monde. Du monde religieux. Nous voulons les choses autres. Qui viennent de toi. Et pour notre bien. Quand tu parles, Seigneur, c'est pour nous délivrer. Pour résoudre les problèmes. Guérir les maladies. Si tu fais la foi. L'alimenter. Et l'édifier en maturité. Béni. Ton peuple, bénis tes enfants, exauce toutes nos prières, et l'Église vient de lever à toi, et puis les chaînes de prière la journée, jusqu'à maintenant, Seigneur, reste avec nous. Nous voulons témoigner davantage des choses que tu nous fais. Père, nous voulons voir ta gloire au milieu de l'Église. Toi le ressusciter. Fais-le du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ici. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.